Jeanne ne dormit point. Bouleversée à la pensée de vendre les peuples, de s'en aller, de quitter cette maison où toute sa vie était attachée. Quand elle vit entrer Rosalie dans sa chambre, le lendemain, elle lui dit « Ma pauvre fille, je ne pourrai jamais me décider à m'éloigner d'ici. » Mais la bonne se fâcha. « Faut que ça soit comme ça pourtant, madame. Le notaire va venir tantôt avec celui qui a envie du château. Sans ça, dans 4 ans, vous n'auriez plus un radis. » Jeanne restait anéantie, répétant « Je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. » Une heure plus tard, le facteur lui remit une lettre de Paul qui demandait encore 10 000 francs. Que faire? Éperdue, elle consulta Rosalie qui leva les bras. « Qu'est-ce que je vous disais, madame? Ah, vous auriez été propres tous les deux si je n'étais pas revenu. » Et Jeanne, pliant sous la volonté de sa bonne, répondit au jeune homme. « Mon cher fils, je ne puis plus rien pour toi. Tu m'as ruiné. Je me vois même forcé de vendre les peuples. Mais n'oublie point que j'aurai toujours un abri quand tu voudras te réfugier auprès de ta vieille mère que tu as fait bien souffrir. Jeanne. » Et lorsque le notaire arriva avec M. Geoffrin, ancien raffineur de sucre, elle les reçut elle-même et les invita à tout visiter en détail. Un mois plus tard, elle signait le contrat de vente et achetait en même temps une petite maison bourgeoise, sise auprès de Goderville, sur la grande route de Montivilliers, dans le hameau de Batteville. Puis, jusqu'au soir, elle se promena toute seule, dans l'allée de Petite Mer, le cœur déchiré et l'esprit en détresse, adressant, à l'horizon, aux arbres, au bois vermoulu sous le platane, à toutes ces choses si connues qu'elles semblaient entrer dans ses yeux et dans son âme, au bosquet, au talus devant la lande, où elle s'était si souvent assise, d'où elle avait vu courir vers la mer le comte de Fourville en ce jour terrible de la mort de Julien, à un vieil homme sans tête, contre lequel elle s'appuyait souvent, à tout ce jardin familier, des adieux désespérés et sanglotants. Rosalie la vint prendre par le bras pour la forcer à rentrer.